disputent papa et maman la nuit. J'ouvre la porte, ils font comme si tout allait bien dans leur vie. Je retourne dans mon lit, je pleure, demain je me lève à 8h. Ce matin c'est maman qui m'emmène à l'école. J'ai peur que papa parte pour toute la vie. Moi j'aime trop maman, je peux pas choisir. Yo wap, je vois que ça crie, je m'entendique. À cause de, je peux même pas apprendre ma poésie. Tous les soirs ça crie, j'entends taper la voisine. Personne n'a jamais répondu, ils ont pris la police. C'est ton nom, j'ai peur, j'trouve plus le doudou dans mon lit. Papa et maman, je veux pas avoir à choisir. Papa, je veux pas que tu te sépares de maman. Papa, je veux pas que tu te sépares de maman. Papa m'a dit, quand tu seras grand, peut-être j'serai plus là, tourne pas le dos à maman. J'étais pas trop là, j'étais souvent absent. Papa, je veux pas que tu te sépares de maman. Me laisse pas, non maman me laisse pas. Pas me laisse pas, au cœur j'ai bobo. J'ai vécu des petits drames, mon doudou. Au fond mon doudou, au cœur j'ai bobo. Tu seras grand, peut-être j'serai plus là, tourne pas le dos à maman. J'étais pas trop là, j'étais souvent absent. Papa, je veux pas que tu te sépares de maman. Me laisse pas, non maman me laisse pas. Me laisse pas, au cœur j'ai bobo. J'ai vécu des petits drames, mon doudou. Au fond mon doudou.